Oh putain, c'est un casque et un meule. Le mot là a marqué, il se casse seul. Il a dû prendre la fuite en 103 Peugeot. Il roule vite, des jets supersoniques qui le suivent. Il s'abat au sol et sort son cartable. Un casse dalle et un peu de molle. Du super, il a prévu une réserve pour le désert. 2 minutes d'arrêt, c'est reparti mon frère. Les ricains le suivent et ils le veulent. On peut identifier par terre des traces de meule. We can identify some trace of mobilate. Pour atténuer son marquage au sol, le mola conduit la meule debout. Il est malin, il sert des dunes et décolle à tous les coups. Motocross de Bercy, il en fait des trucs de fou. Mais le mola a du boulot, il doit reboulonner son pot pour pas faire de bruit. La course poursuite continue, mais le mola a un imprévu. Il doit récupérer un de ses potes qui s'appelle Ben, à un endroit bien caché dans les plaines. Une fois qu'il a récupéré, mola fait le forcing. Il a décidé de finir la route en rolling. Il est fort mola, il descendrait même Shumi à Imola avec les mollets qu'il a. Ah non, c'est pas un cycliste, mais il a un moteur pourri, style caddie. La prochaine fois, c'est sûr, il l'a dit. Il veut le scooter de chez Ferrari. Kit jet à couleur rouge et Popolini, casquette de Shumi. Allez vas-y mola, bouge de là avant que les ricains te voient. Dans le premier village ils passent incognito. Ils ont tous des meules et aucun borico. À la première station ils s'arrêtent, une carafe d'eau et de la synthèse. À cause de la chaleur le moteur sent la merguez. Un peu de molle et de la kefta. Personne ne rigole, qu'est-ce t'as? Ça fait rire ou quoi? Un barbu en mobilette, y'en a des milliers. 90% des Afghans sont motocyclés. Ou cyclés tout court, recyclés par l'oncle Sam, ce bon vieux mytho. La suite dans votre prochain numéro d'Envoyé Khatal. Comment notre envoyé spécial Michel Benaouche a intégré la centrale de Cycle Peugeot Bagdad, le réseau extrémiste qui fournit illégalement des pièces détachées au Mollah.